La nature se dénature. C'est par nature les couleurs de l'automne que le cœur ressent quand il prend son chemin. L'homme moderne a oublié l'arbre d'à côté qui se penche sur l'eau. Je reviens à hier. Certaines choses sont immuables, mais la mode est versatile. Comme la poésie sans caractère, à contrario de chant de la bruyère et son style littéraire. L'art est essentiel, mais le monde de l'art est superficiel. Sans détour, le bruissement des feuilles vient à mon âme quand je poétise le bruit des moteurs automobiles. Les feuilles tombent, c'est déjà l'automne, il prépare le printemps, dans l'hiver qui se meurt d'avoir froid. La fleur s'entr'ouvrira à la vie alors, comme l'esprit créateur s'ouvrant sur le monde. La permanence est constante, l'univers est planétaire, l'ego se fond dans l'espace. C'est le rêve du moment qui captive chaque étoile de la nuit, du chant du jour des oiseaux qui se désaltèrent de la pluie.